Bonsoir à vous tous et bienvenue à cette dernière édition de ce dimanche. Mais d'abord les grands titres. Le 77-531-005, numéro WhatsApp donné par le ministre des Finances pour toute personne qui voudrait dénoncer tout mauvais service rendu par des employés de ce ministère. Il a également signalé qu'une nouvelle technologie dite Cash Zero sera mise en place pour lutter contre le détournement des deniers publics. La directrice générale de la mutualité tranquillise que les médicaments, surtout spécialités, seront bientôt disponibles dans les pharmacies. Elle le dit suite aux grognes des affiliés de la mutuelle de la fonction publique qui disent manquer les médicaments au moment où ces mêmes médicaments sont facilement servis aux personnes qui les achètent à 100%. Et en commune et province Kayanda, deux personnes de la colline Moussavé sont détenues au commissariat provincial de la police. Ils sont accusés d'être membres d'un groupe de 6 bandits armés qui ont volé un agent distributeur d'argent électronique, une somme d'environ 3 millions. Vous aurez droit à l'actualité sportive internationale à la fin de cette édition. La présentation, vous êtes avec Ornella Mucho. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page santé. Pour débuter ce journal, les affiliés de la mutuelle de la fonction publique s'inquiètent du manque des médicaments prescrits par les médecins dans les pharmacies. Ils disent que cette carence concerne beaucoup plus les médicaments dits spécialités. Annonciate Senda Dilassa, directrice générale de la mutuelle, tranquillise que la Kamebou est en train de trouver solution face à ce problème. Le point avec Omer Ndouaï. Mutuvugire bavugane imiti isubire kuri mituelle badukata amafaranga yacu tuzweho tugura imiti ako twagenda. Les affiliés de la mutuelle de la fonction publique affirment ne pas avoir de médicaments spécialité prescrits par les médecins et demandent que ce problème trouve solution. Lorsque nous présentons des bons dans les pharmacies de la mutuelle de la fonction publique, les agents de ces pharmacies nous disent que ces médicaments ne sont pas disponibles. Mais quelque chose qui est très étonnant est que celui qui va acheter ces médicaments à 100% sera servi même s'il présente une ordonnance médicale de ces médicaments de spécialité. Nous demandons le ministère de la Santé publique en synergie avec le ministère de la Solidarité de travailler en commun accord pour voir comment ces lamentations ne se répètent plus. Quand tu te rends à la pharmacie pour chercher des médicaments des personnes souffrant de maladies chroniques, les hypertendus, les diabétiques, à la vie des bons de ces médicaments, certains pharmaciens répondent qu'ils n'ont pas ce médicament. Franchement, c'est la mutuelle qui sort gagnant dans nos cotisations. Nous, nous ne bénéficions rien. La direction générale de la mutuelle tranquillise ses affiliés. Annonciate Sendazilasa, directrice générale, dit que la Kamebou, son fournisseur, a pris en main cette question. Je pense que ce problème, on est en train de le résoudre. Nous nous attendions que notre fournisseur, la Kamebou, puisse disponibiliser le médicament. Nous, nous avons payé. Nous ne pouvons rien faire d'autre qu'attendre qu'on nous fournissent les produits que nous avons commandés. Heureusement qu'aujourd'hui, la Kamebou nous dit que le médicament est en train d'être disponibilisé et effectivement, il y a des médicaments qui commencent à arriver. Donc, nous espérons que ce problème n'aura plus raison d'être. La situation se présente ainsi au moment où cette organisation a entamé le travail de distribution des cartes biométriques à ses affiliés depuis ce mois de janvier. Page sécurité à présent, des hommes de la colline Moussavé, de la commune et province Kayanda, sont détenus au cachot du commissariat provincial de la police. Les sources policières indiquent qu'ils ont été arrêtés accusés d'être membres d'un groupe de 6 bandits armés qui ont attaqué un agent distributeur d'argent électronique. Et puis, ils l'ont blessé, volé une somme d'environ 3 millions au niveau de la police à Kayanda. Ils tranquillisent la population de cette localité tout en promettant que ce service est à l'œuvre pour user de tous les moyens possibles afin de lutter contre toute forme de vol ou de criminalité. Le point avec Patrick Sengayumba. Selon les informations recueillies auprès de la police judiciaire à Kayanza, et qui sont d'ailleurs confirmées par Bizimungu Juma, le commerçant victime du vol mené en son domicile, c'était la nuit du 8 le mois en cours, quand un groupe de bandits a attaqué son domicile par effraction. Les mêmes informations précisent que ces bandits, après s'être introduits dans la maison, ils ont grièvement blessé Bizimungujuma à coups de machette avant de lui voler son téléphone portable qui contenait sur le compte Limikash environ 3 millions de nos francs, 180 000 en unités de transfert et une somme d'argent liquide non encore identifiée. Misère Jean-Claude, commissaire de la police judiciaire à Kayanza, nous a fait savoir qu'après des enquêtes approfondies menées par la police judiciaire conjointement avec l'agence de régulation et de contrôle des télécommunications, deux parmi ces 6 bandits ont été arrêtés ce dimanche et sont gardés au cachot du commissariat de police à Kayanza. Pourtant, tout cet argent qui était contenu dans le téléphone portable et de Bizimungujuma avait été déjà vendu par ces bandits, témoigne le commissaire de la police judiciaire à Kayanza. Au niveau de cette police, l'on se dit inquiet de son nouveau système de vol mêlé de criminalité en province Kayanza. Pourtant, ce service tranquillise la population que la police est à l'œuvre pour user de tous les moyens possibles afin de lutter contre toutes formes de vol ou autre criminalité de quelque nature soit-elle. Djerbe Nyandui, administrateur de la commune Kayanza, appelle la population de cette localité au renforcement de la sécurité de la nuit, surtout via les comités mixtes de sécurité. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganilo. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Il est 18h07, le journal continue sur Isanganilo. Le ministère des Finances va mettre en place une nouvelle technologie dite cash zéro pour diminuer, voire éradiquer tout comportement de détournement des deniers publics. Lors de la présentation des réalisations semestrielles ce jeudi, le ministre domitien Dihokoub Gayo a en outre indiqué que 360 millions de francs bou ont fait objet de vol par certains employés qui ont été sanctionnés. Suivez-le dans la traduction française d'Armel Moutore. Igice cya mbere giheze cy'umwaka 2020 ushiro 2021. Au premier semestre de l'année budgétaire 2020-2021, le gouvernement a pu financer ses dépenses par les recettes prélevées à l'intérieur du pays. Mais tout n'est pas rose. Il s'est observé quelques manquements de la part des employés du ministère. Là, on pourrait citer le détournement d'environ 360 millions de francs burundais. Les responsables ont été arrêtés et traduits en justice. Je souligne également que les employés qui se sont méconduits dans leur travail ont été sanctionnés. Bien que ces infractions se sont observées, le ministère avait pris la résolution d'arrêter la procédure de retrait au comptant de l'argent à la Banque centrale parce que cela expose avec une forte probabilité cet argent au détournement. C'est pour cette raison que nous allons introduire un procédé technique nommé cash zéro qui permettra d'effectuer les transactions de manière électronique ou par virement bancaire. Le ministre des Finances a en outre annoncé son numéro WhatsApp, le 77 531 005, qui sera utilisé pour dénoncer tout mauvais service rendu par des employés de son ministère. Suivez-le encore une fois au micro de Mireille Kanyang. Le ministre annonce qu'il y a un numéro mis en place pour dénoncer tout mauvais comportement de la part de certains employés de son ministère. Ce numéro, c'est le 77 531 005, sur lequel seront envoyés des messages WhatsApp. Ceux qui demandent des services au siège du ministère ou d'autres départements, dont l'Aubert, l'Istebou, se plaignent parfois d'un mauvais accueil. On leur demande des pots de vin. Dans ce cas, il manque une personne de confiance. C'est pour cela que nous avons pensé à cette ligne téléphonique qui sera directement reliée au bureau du ministre. Celui qui se rendra à l'Office burundais des recettes et qu'il se plaigne d'un mauvais service, il pourra le dénoncer par le biais de ce numéro. Il peut y avoir des employés qui passent leur temps sur WhatsApp, dans des causeries ou tout simplement qui exigent des pots de vin. Si le ministre est au courant, je pourrai redresser la situation en collaboration avec les responsables de ces départements. Mu gihe yashikirije ikintu cyumvikana yuko ashobora kumuhinisha. dispenser les formations relatives à la défense qui ont été données aux forces de défense se trouvant dans le métier de la paix en Somalie et en Centrafrique est l'une des réalisations du ministère de la Défense pour la deuxième période de l'exercice budgétaire 2020-2021 lors de la présentation de ces réalisations au cours de cette semaine. Alain Tribert Mutabadi, ministre de la Défense, a indiqué que l'armée burundaise s'est impliquée pour lutter contre la propagation de la COVID-19 en mettant en quarantaine les militaires qui viennent ou partent à l'étranger. Détail avec Fidèle d'Antoine Saïman. Lors de la présentation des réalisations du deuxième trimestre de l'année budgétaire 2020-2021, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants a indiqué que les militaires qui viennent ou qui partent à l'étranger ont été mis en quarantaine dans le but de lutter contre la propagation du COVID-19. Nous avons pris des mesures barrières contre le COVID-19 et nous avons organisé la prise en charge pendant la mise en quarantaine pour les militaires en partance ou en provenance des missions à l'étranger. Le ministre Alain Tribert Mutabadi fait savoir que les activités de maintien de la paix ont continué en Somalie et en Centrafrique où les contingents burundais sont déployés. On a continué les activités de maintien de la paix dans les pays où nos contingents sont déployés dans des missions de maintien de la paix, notamment dans la MINUSCA, en République centrafricaine et la MISOM en Somalie. Il y a eu la relève du 52e, 53e et 54e bataillon à MISOM par le 57e, 58e et 59e bataillon à MISOM. Il y a eu également la relève entre les officiers de l'état-major du 12e et 13e contingent. Des causeries morales qui visent à prodiguer des conseils aux troupes de retour des opérations de maintien de la paix à l'étranger ont été tenues selon toujours le ministre Mutabazi. Il y a eu des causeries morales pour prodiguer des conseils aux militaires en retour des opérations de paix en rapport avec le changement de mode d'action, de combat et du milieu du travail. Le ministre ayant la défense et dans ses attributions ajoute que le Burundi a participé à la réunion du comité des ministres de la défense des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour évaluer l'état des lieux de la sécurité en Somalie. Actualité sportive, dernier match comptant, la 19e journée du championnat national Primus League A se sont joués ce dimanche. Le flambeau du centre reste leader du classement après sa victoire d'un but à zéro face au Royal cet après-midi avec le même score. Burundi Sport Dynamique s'est imposé à l'Interstar sur le stade Inwari et le derby entre le Messager Ngozi et Musongati s'est soldé à une équation de 2-2. Actualité internationale. Actualité internationale. Avant de mettre fin à ce journal, le pape François annonce une journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées qui sera célébrée le 4e dimanche de juillet. Les grands-parents sont souvent oubliés, a souligné le pape qui présidait ce dimanche la prière hebdomadaire de l'Angélus à partir du palais apostolique au Vatican. Les grands-parents sont un lien entre les générations transmettant aux jeunes l'expérience de la vie et de la foi, a ajouté le pape. La journée mondiale des grands-parents et des anciens sera célébrée le 4e dimanche de juillet. Selon les informations que nous devons au site de RFI, le pape présidera le 25 juillet prochain la première messe à l'occasion de cette journée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous. Merci également à Eli Kadogo pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Ornella Mucho.